Vous écoutez Radio Gamozo. Radio Gamozo. 107.0. Il est midi, l'heure de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gamozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je vous propose le portrait de nos animateurs bénévoles et salariés. Aujourd'hui, c'est la première fois que j'interviewe une service civique, à savoir Marjo. Et pour cette émission, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Eustache, Jean-Eude et de Babette. Bonjour tout le monde, comment ça va? Coucou. Bonjour. Bonsoir. Hey, hey. Alors je demande toujours aux personnes présentes dans le studio des invités de se présenter, mais cette fois-ci, je vais le faire moi-même. Oula, oula. Alors... Il y a tout d'abord Eustache, jeune rappeur, mais pas de fromage. Il est passionné par la musique et par l'eau pétillante à la saveur de houblon. Un poète des temps modernes et un exemple de classe et de bienséance. Avec toi. Je vais pas tenir toute l'émission si tu fais des blagues de type rap à fromage. Ce n'est que le début. Bienvenue. Bienvenue à bord de... Hello, everybody. En face de lui, celui qu'on ne présente plus, Jean-Eude, animateur à RGM depuis 2018, amateur de catch et collectionneur de compas. Il est le sosie officiel de Gaëtan, contrôleur dans les transports en commun à Rungis dans le Pas-de-Calais. Nous sommes tous troublés par cette ressemblance. C'est Gaëtan, c'est mon pote. C'est vrai pour les compas ? Non, du tout. Pas du tout. Dans ce studio, il y a aussi Babette, plus communément appelée Babouche. Elle est directrice d'antenne. Elle danse le Lia Mia comme personne. Elle est grande fan de Nana Mouskouri. D'ailleurs, elle va nous interpréter un petit extrait d'une de ses chansons favorites. A tout de suite sur Radio Gamozo. Je chante en rap. Apparemment. C'est quoi ça? Allez, chante Lia. Je connais pas, moi. Il y en a pas un qui veut chanter? Alors pour ceux qui n'avaient pas reconnu, c'était Nana Mouskouri quand tu chantes. Je connais pas même de base en fait. Hein? Personne n'avait reconnu ici, je pense. Vous êtes tous des incultes. Oui. Surtout Lia. Oh. Alors merci pour cette prestation, Babouche. On peut l'applaudir bien fort, mais bon, reculez-vous un peu par contre parce que ça risque de saturer. Avec plaisir. C'était superbe. Alors on va être un peu plus sérieux. Surtout toi, Drex. Hein? Tu vas te calmer. Ouais, je me calme. Alors Marjo, comment as-tu découvert la radio ? J'ai découvert parce que je cherchais un service civique. Donc je connaissais pas Radio Gamozo avant. Et je suis tombée sur l'annonce de Radio Gamozo. T'es tombée dessus, genre littéralement ? Ah vraiment, je suis tombée. Je me suis pété le poignet. Ouais. Et du coup, je suis venue vous voir. Voilà. Et tu regrettes ? Un peu. Dans quel but est-ce que tu as voulu travailler dans un média radiophonique ? Est-ce que tu veux être journaliste plus tard ? C'est parce que j'ai arrêté les études cette année et j'aimerais bien faire du journalisme plus tard. Du coup, la radio, ça tombait plutôt bien. Et journaliste télé, travailler avec Yann Barthès ? Ouais, la star préférée de Drex. Exact. Il veut faire un feat avec lui, je crois, non ? Après, il est pas rappeur, mais si il veut qu'on fasse des câlins, il y a pas de souci. Il y a moyen de faire des montages audio pour faire une musique. Il y a Lia qui me regarde bizarre, j'essaie de contenir mes paroles. Non, parce que là, je suis en train d'imaginer, je visualise toi en train de faire un câlin à Yann Barthès. C'est plutôt lui qui va me faire un câlin. Alors Marjo, quand tu mets en route ton autoradio dans ta 4L GT Turbo, est-ce que tu écoutes les émissions de radio ou seulement les musiques ? Non, j'avoue, je mets que ma playlist sur Spotify. Mais la dernière fois, quand je suis passée à Remiremont, je me suis dit, tiens, je vais écouter Radio Gamozo pour la première fois de ma vie. C'était genre il y a 2 semaines. Et voilà, c'est tout, j'ai écouté Radio Gamozo, quoi. Bon, mieux tard que jamais, hein. Et genre après, t'as changé de station ou t'es restée sur la même ? Non, après, je suis sortie de Remiremont, ça captait plus. J'ai arrêté. C'est quoi ton style de musique ? Tu écoutes quoi ? Un artiste en particulier ou pas ? Alors moi, j'écoute tout ce que Drex déteste. Ça va être du R&B, ça va être du rap, mais pas du tout ce que lui va écouter. Il aime bien Damso. Oui, c'est vrai. Mm. Mais ça se trouve, on n'écoute même pas les mêmes musiques de Damso. J'aime bien à peu près tout, en vrai, de Damso. Ah, bon, ça va. Et sinon, j'écoute beaucoup de Beyoncé, Rihanna, énormément. La base, quoi. La pop. Nous allons faire une première pause musicale avec une chanson mystère choisie par Jean-Eude, alias Chris. A tout de suite sur RGM. Maya, fericirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei, numai, numai ei. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei, numai, numai ei, numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai, numai ei, numai, numai ei, numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Chris, Lia, Drex et Marjo qui est plus que ravie d'être avec nous. Bien sûr. Je suis enchantée. Alors, qu'as-tu pensé de mon choix de musique, Marjo? C'est bien, ça nous replonge dans les années 2000. Voilà. Ouais, comme il est plus vieux que toi, du coup... Voilà. C'est pas avant, ça? Non, c'était... Non, années 2000, ouais, début 2000. C'est vrai que c'est la période catastrophique de la musique. Ouais. Hein. C'est vrai. C'était l'époque des singles, une chanson ou deux dans les pochettes en carton, là. Genre Laurie, Ozone, les choses comme ça. Les singles, quoi. Ouais, voilà. C'est ça, bien vu. Tu es un peu le Fabien Lecoeuvre de Patrick Sébastien, tu sais. Celui qui sait tout sur les stars, celui qui sait tout sur tout. Ah, Fabien Lecoeuvre, wow. Ouais. Ouais. Ah, c'est vrai, con. Tu connais pas Fabien Lecoeuvre? Non, vous avez des rêves de gens qui... Ah, moi, j'entends Patrick Sébastien avec, donc automatiquement, je me dis, bon... Pas ouf, quoi. C'est pas faux. Vous êtes des incultes. Alors, tu es avec nous depuis quelques mois maintenant. Qu'est-ce que tu as fait ici? En soi, j'ai pas fait grand-chose. Super. Je stagnais dans la cuisine. Non, en vrai, j'ai fait quelques émissions et j'ai publié des podcasts. J'ai fait tous les podcasts sur le site internet de la radio. Non, t'as fait des émissions en extérieur aussi. Oui, je suis partie à la rencontre des gens. Ça, c'était vraiment cool. Et puis voilà, j'étais là en tant que soutien moral. Exactement. Pour relever le niveau de l'équipe aussi un peu, non? Ouais, non, parce qu'il est déjà super, super haut. Donc en soi, il n'y a pas vraiment besoin de moi. Pas la peine de dire ça, il n'y a pas d'augmentation à la fin de l'interview. Qu'est-ce qui est le plus compliqué selon toi pour un animateur radio? La prise de contact, recevoir les invités au studio, préparer une émission, faire une trame ou le montage? Je dirais que c'est recevoir les invités, parce que je trouve ça stressant de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment ils vont réagir. Du coup, c'est le moment le plus stressant. Après, le reste, ça va. Et la prise de contact aussi, c'est chiant, parce que des fois, les gens ils ne nous répondent pas. Et pour vous, ami animateur qui est avec nous? Ouais. La prise de contact. Moi, perso, je galère à trouver des gens. J'essaie d'avoir une espèce de ligne directrice, directive, tu vois. Donc, c'est pour ça. Niveau prise de contact, c'est un peu chiant. Mais une fois que le contact est pris, après, ça va. La trame, ça peut être chiant, mais je mets de chat GPT, alors ça roule. Puis toi, le montage, ça glisse, quoi. Le montage, c'est OK. L'émission, c'est OK. Voilà. Et vous ? Je suis assez d'accord là-dessus. La prise de contact qui est très longue aussi, souvent, et quand les gens ne répondent pas. Et sinon, ouais, bah après, quand recevoir les gens en studio, quand t'es stressé, quand t'es timide, c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais bon, avec l'expérience, tu y arrives. Mais ouais, c'est vraiment ça, je pense, c'est deux choses les plus, on va dire, les plus compliquées du métier. Et toi, Babouche ? Pour moi, c'est assez simple. Peut-être le petit moment de stress quand l'invité arrive en studio, parce que j'ai une exigence un petit peu très élevée, donc je tiens à ce que les émissions se passent vraiment le mieux possible, et c'est pas toujours le cas, donc le lâcher prise peut-être pendant l'émission, voilà. Et toi, tu as dit stress en plus que nous, parce que toi tu dois diriger l'équipe et en plus les programmes. Oui, mais là on parle d'émission, donc quand je suis dans mon émission, je suis animatrice. Alors Marjo, quelle tâche t'as plus plu et qui te plaît encore aujourd'hui? Les podcasts. Ouais, j'adore. J'ai adoré les podcasts, vraiment, c'était ma passion. Et moi, j'ai adoré te donner cette tâche. Parce qu'il faut savoir que Drex, il était service civique juste avant Marjo, donc voilà, ils se sont passés le relais. Voilà. Ah oui, il était chez nous ? Oui. Oui. Ouais, mais je m'appelais Georges à l'époque. C'est ça. Ah, d'accord. J'ai pas fait exprès de dire Georges. Georges II. Parce qu'on a un Georges aussi, mais du coup, non, c'est le premier prénom qui est venu. Georges II, un peu comme la reine d'Angleterre. Ouais. Quelques mots sur What's Up Les Vosges, Marjo. What's Up Les Vosges, c'est l'émission que j'ai dû créer en venant ici, parce que c'était obligatoire dans le service civique, c'était la consigne. Et il n'y a pas vraiment de ligne comme Drex. Après, j'aime bien faire des émissions avec des gens qui organisent des événements ou des rencontres, des choses comme ça. Et ce que j'ai préféré, c'était aller voir des gens qui tenaient des fermes. Je sais pas pourquoi, c'est ce qui m'a le plus plu. Et aller voir les petits animaux aussi, les petites vaches. J'ai bien aimé. Et vous, chers amis, quelques petits mots sur vos émissions ? J'aime beaucoup le hip-hop. C'est ça ton émission, j'aime le hip-hop ? Non, mais moi j'aime bien déconner, j'aime bien être sans filtre et dire des conneries. Et puis aussi avoir des petits moments de philosophie existentielle avec mes invités. Un petit bloogie-boulga de tout ça, quoi. Et toi, Chris ? Concept, c'était un peu dans le même délire que Marjo avec What's Up Les Vosges, sauf que moi, j'allais pas sur le terrain, je recevais les gens ici. Donc voilà, Fréquencible, c'est ça. Pareil pour la rencontre d'auteur. Par contre, ça se fait surtout par téléphone. Sinon, écoute, la matinale, tous les matins de 8h à 8h45 sur le 107. Ça s'appelle comment déjà ? Le matin, c'est bien. Avec Chris, c'est mieux. En toute modestie, bien sûr. C'est bien de préciser en toute modestie. Évidemment, toujours. Et voilà, je sais pas. En fait, la matinale, je l'aime bien parce que je suis tout seul. Bon, c'est chaud de parler tout seul, mais je suis tout seul. Et puis, en gros, c'est un peu mon moment où je dis, je fais des blagues nulles. Bon, après, j'ai pas besoin que de la matinale pour faire des blagues nulles, mais... Quand on animait ensemble Radio Catch, c'était un super combo à deux. Aussi, et puis chacun sa voix aussi. Enfin, il y a tellement de choses qui me plaisent. En fait, tout me plaît ici, donc pourvu que ça dure. Et toi, Lia, avec l'odeur du son ? L'odeur du son, souvent c'est des gens qui me contactent pour participer à mon émission. Ça devient un peu plus rare dans le cas inverse, mais je parle de personnalités, d'associations, d'organismes locaux pour les mettre en avant, et c'est toujours un super moment de partage pour moi et toujours de très très belles rencontres. Alors Marjo et toi, vous avez fait des interviews en extérieur. Est-ce que vous pouvez nous dire tout ce que vous avez appris, vos plus belles rencontres ? Le seul moment où on est parties toutes les deux, je crois, c'est Fantastica. Et on a rencontré pas mal de beaux mondes. Il y avait Gringe qui était là et moi j'ai pas osé aller le voir. Du coup j'ai dit à Lia d'y aller. Elle a pu interviewer Gringe. Tu veux dire le Grinch ? Oui, c'est ça, le Grinch. On se connaissait pas trop à l'époque, c'était un petit peu encore frileux. Mais c'était un bon moment quand même. On s'est bien caillé les fesses. Ouais, et on a mangé au resto ensemble. Oui. Des lasagnes, super bonnes. Et t'as quand même eu ta photo avec Gringe aussi ? Oui, j'ai eu la photo. Mm-mm. Voilà. C'est où que vous avez bouffé des lasagnes ? Ouais, mais à quel resto ? Ça s'appelle l'Arlequin. Super bon, lasagne, 8€, faites maison, super. Ok, lourd. Moi, je suis dégoûtée parce que j'ai jamais été au resto avec Lia. Ah ça peut se faire, pas de soucis. Hein. C'est si noté. Tu m'invites. D'accord. Bon, on va lancer une petite pause musicale, histoire de respirer un peu et de laisser les auditeurs un peu tranquilles. Donc on va écouter une petite chanson qui ne nous est pas inconnue, ni à vous auditeurs, on se retrouvera juste après. Yeah, Miami.

que je trouvais super intimidante. Alors, on peut pas parler de toi sans évoquer ce que tu as fait pour rebondir sur la manif des retraites, puisque tu as fait exploser le record de vues de podcast. Eh bah, ben, ça, j'ai jamais trop compris le pourquoi du comment, mais je pense que c'est parce que c'est un sujet qui parlait aux gens à ce moment-là, et voilà, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, et puis c'est peut-être aussi le fait que ce soit un micro-trottoir, que les gens dans la rue donnent leur avis, peut-être que c'est ça qui a plu aussi, mais voilà. Pendant quelques jours d'absence de Chris, tu as animé la matinale avec une phrase d'intro qui était extraordinaire. Aujourd'hui, c'est lundi, c'est chiant, mais on garde le smile. Et vendredi, c'est le week-end. Wouh! Bah, parce que je sais pas, je me disais, les gens, s'ils écoutent ça en voiture et tout, bah, ouais, quoi, pour eux, le lundi, c'est chiant, quoi, ça fait chier d'aller au travail. Du coup, bah, j'étais avec eux, quoi. Allez, c'est chiant, mais on garde le smile. Et puis voilà. Mais la matinale, bah, respect, parce que franchement, se lever aussitôt. On n'est pas les plus tôt, nous, hein. Non, en ouais. plus, hein. Mais voilà. Elle avait bien relevé le challenge, en fait, hein. Ouais. Moi, c'est, quand j'ai vu ça, quand j'étais en congé, j'ai vu ça, j'ai écouté chacune de tes matinales, je me suis dit, ah, c'est de merde bien. Bah, je faisais pas trop de contenu, en vrai, je mettais surtout des musiques, puisque je me suis dit que le matin, enfin, moi, j'ai pas trop envie qu'on me parle beaucoup le matin, donc je pense que les autres, c'est pareil. Donc voilà. Puis elle a fait du live alors qu'elle avait jamais fait. En plus. Félicitations. Eh bah, ben, merci. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur les billets de sortie que tu as fait? Eh bah, ben, les billets de sortie, c'est, je regarde un petit peu ce qui se passe. Bah, c'est surtout l'IA, en fait, qui m'envoie tout ce qui se passe, parce que moi, je suis pas trop à l'affût. Et elle m'envoie donc toutes les actualités, les événements. Et après, j'en parle le vendredi soir. Chaque vendredi soir, je parle de ce qui va se passer le week-end dans les Vosges, les festivals, les choses comme ça. Et est-ce qu'on pourra te retrouver sur notre antenne cette semaine avec un petit un WhatsApp Les Vosges ou un petit billet de sortie? WhatsApp Les Vosges cette semaine, non, mais il y aura un billet de sortie sur le Festival des Utopiques qui se passera en août. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à demander à Marjo, Lia, Drex et Chris? Si vous avez quelques questions? Ouais, est-ce que tu me payes un kebab? Pourquoi? Bah, comme ça. Et tu mets des oignons dedans ou pas? Ouais. Bah, non, du coup. Faute de goût. C'est pas très gentil, je trouve. Ouais, moi, j'ai. C'est quoi ton meilleur souvenir ici? J'ai pas de jour précis, mais en soi, c'est l'équipe, je pense. Vous faites des petits regards. Non, en vrai, c'est l'équipe. Moi, je me suis bien entendue avec vous, j'ai bien aimé. Je pense que c'est les Moi, je pense que c'est l'AG que t'as préféré. Ah, l'AG, ouais, j'ai bien rigolé, c'est vrai. Ah, c'est l'AG. Ton mec a dû kiffer aussi. Ouais, il s'est éclaté, je pense. Ça se voyait. Ouais, l'AG. Comment tu t'es sentie quand t'as intégré une équipe qui existait déjà comme ça là? Au début, t'étais un peu timide. Ouais, bah, j'ai mis du temps, mais après, c'est comme ça tout le temps avec moi. Ça prend, je pense, 4-5 mois. La moitié du délire. Ouais, vraiment. Mais ça me prend du temps de... je sais pas, d'être moi-même avec les gens, mais maintenant ça va mieux. Et du coup, là, je kiffe. Mais c'est vrai qu'au début, c'était dur, de m'intégrer. Et... Mais c'était pas vous, quoi, c'était moi. Qu'est-ce qui était le plus enrichissant? Qu'est-ce que tu garderas de cette expérience? Ce qui était le plus enrichissant, alors pour moi, personnellement, c'était de plus me libérer, quoi. Plus parler avec les gens, être moins timide. Et c'était quand même les histoires des personnes que j'interviewais. J'aimais bien. Alors, tu vas nous quitter à la fin du mois, lâcheuse. Mais qu'est-ce que tu vas faire sans nous? Je vais partir en vacances. Tu sais pas si on sera pas là, en fait. On sera peut-être dans ton coffre. Tu vas où? Ça, je sais pas encore. Ouais. Dans quel camping? Quelle ville? Je sais pas encore non plus. Quelle période? Du coup, août. Quel mois? Quel jour? Ah, ça, je dis quel pas. Mois? Août. Oui. Et puis, après, je vais reprendre l'école, hein. Voilà. Et on va peut-être se retrouver sur le festival Le Cabaret Vert, Parce qu'on a été accrédités toutes les deux pour pouvoir aller sur place au mois d'août. Quelques mots sur ce petit événement? Petit événement, comme tu le dis, des artistes incroyables, 4 scènes de ouf, un cabaret, un festival qui existe depuis de nombreuses années. D'ailleurs, t'as calé une interview? J'ai pas encore la date, mais oui. Et du coup, vous avez votre place gratos? Ouais, on est accrédité sur ah, tout putain. Le... Et en plus, normalement... c'est super cher comme truc. Ouais. Et on pourra faire gagner des places, normalement. On pourra faire gagner des places, ouais. On aura accès au carré VIP pour et dépasser le soir les où barrières. On y va, on va voir Calvin Harris, Damso et Mandragora. C'est quoi les dates déjà? C'est du le 16 et jusqu'au 20. Gardez-moi une place. Ouais, on pourrait y aller ensemble, ce serait cool. Si vous arrivez à interviewer l'un d'entre eux, vous serez waouh. Ah bah, moi je peux pas, Damso là, c'est trop pour moi, trop charismatique. Tu vas tomber dans les pommes. Je m'évanouis. J'oserais pas lui parler. T'as bien réussi à t'approcher de Gringe. Mais là, Gringe, c'est, Damso. C'est non, je te la refais. Je te la refais. Marjo, il y a Gringe là. Ouais, ok. Non, non, mais là, Marjo, c'est maintenant. Mais tu veux pas y aller? Non, ça sera pareil avec Damso. Ah non, mais Damso, pour l'avoir vu en vrai, non. Il est trop intimidant. Moi, j'y vais cash. Allez, let's go. Ouais, je danse mon pote, ça va ou quoi? Non. Je pense pas non plus. Après, écouter la chronique de Drex. Ouais, je sais pas. Mais Damso, il est super cool, en vrai. Ça s'entend, ça se voit, il a l'air vraiment la cool. Ouais, je pense qu'il est simple. Mais c'est juste de l'extérieur, intimidant. Ouais, faut savoir tenter, faut savoir prendre les opportunités, des fois. Et ça se fait un peu tout seul. Et c'est en allant sur des événements comme ça qu'on peut se dépasser. C'est vrai. Toi, par contre, je sais que tu aimerais bien interviewer MC Solar. Bah, j'essaye. Mais on m'a dit qu'il faisait pas de promo pour l'instant. Il est en tournée sur 2024, donc moi, je lâche rien. Hein. Je vais continuer comme d'hab. Nous allons faire une autre pause musicale pour mieux se retrouver ensuite. À tout de suite sur Radio Gémozo. 107.0 RGR Radio Gémozo. Ta radio locale préférée. Shaking that ass on the floor, bumping and grinding that pole. The way she's grinding that pole, I think I'm losing control. Get buzzed, get drunk, get crunk, get fucked up. Hit the strip club, don't forget ones, get your dick rubbed, get fucked, get sucked, get wasted, shit faced, pasted, blasted. You drink off, get a new drink, put the bathroom sink off. Wipe your shoe clean, got a routine going, still got a few chunks on them shoestrings, showing I was dehydrated to the beat vibrated. I was revived as soon as this BS gyrated. Them hips and lick them lips, and that was it. I had to get Nate Dogg, get his thing some shit. Two to the one, from the one to the three. I like good pussy and I like good trees. Smoke so much weed, you wouldn't believe. And I get more ass than a toilet seat. Three to the one, from the one to the three. I met a bad bitch last night in the D. Let me tell you how I made her leave with me. Conversation and Hennessy. I've been to the motherfucking mountaintop. Heard motherfuckers talk, seen them drop. If I ain't got a weapon, I'ma pick up a rock. And when I bust your ass, I'm gon' continue to rock. Get your ass off the wall with your two left feet. It's real easy, just follow the beat. Don't let that fine girl pass you by. Look real close, cause strobe lights. We about to have a party. Turn the music up. Let's get it started. Go ahead and shake your butt. I'm looking for a girl with a body and a sexy strut. Wanna get it poppin', baby, step right some up. Some girls, they act retarded. Some girls are body, body. I'm looking for a girl that will do whatever the fuck I say. Every day she be giving it up. Yeah. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Oh, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. I'm a menace, a dentist, an oral hygienist. Open your mouth for about 4 or 5 minutes. Take a little bit of this fluoride riddance. Switch, but don't spit it. Swallow it now, finish. Yeah. Me and Nate deal double G. Looking for a couple bitches with some double D's. Pop a little champagne and a couple D's. Slipping in a bubbly. We finna have a party. Turn the music up. Let's get it started. Go ahead and shake it. I'm looking for a girl I can fuck in my Hummer truck. Apple bottom jeans and a big old sun. They act retarded. Some girls are body, body. I want a bitch that sit at the crib with no panties on. Knows that she can, but she won't say no. Look at this lady all in front of me. Sexy as can be. Tonight I want a slut, would you be mine? Heard she was freaky from a friend of mine. Now I hope you don't get mad at me, but I told Nate you was a freak. He said he wants a slut, hope you don't mind. I told him how you like it from behind. Now shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Oh, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. We about to have a party. Turn the music up. Let's get it started. Go ahead and shake it. I'm looking for a girl with a body and a sexy strut. Wanna get it poppin', baby, step right up. Some girls, they act retarded. Some girls are body, body. I'm looking for a girl that will do whatever the fuck I say every day. She be giving it there up. She go shaking that ass on the floor, bumping and grinding that pole. The way she's grinding that pole, I think I'm losing control. Got him. Vous êtes toujours sur RGM 107FM. Je sais qu'on dit plus FM, mais comme ça rime, enfin bref. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'on vient d'écouter, là, un petit Eminem? Ça te dit quelque chose, je crois? Ah bah oui, bien sûr, j'écoute ça tous les matins. Moi, ça me fout la patate, Eminem, je l'adore de toute façon. Le rappeur le plus rapide au monde, il me semble encore, en feat avec je ne sais plus quel artiste, avec une voix hyper grave comme ça, je kiffe, voilà. Après, faut pas faire attention aux paroles, parce que quand tu traduis ça en français, ça fait peur. Il ne faut jamais traduire le rap anglais en français. Alors Marjo, est-ce que tu aurais quelques petites anecdotes d'interview à nous raconter depuis que tu es là? Des anecdotes d'interview? Bah franchement, celle avec les copains vegans, etc. Où c'était l'IA qui était obligée de faire toute la technique. Parce que moi, j'arrivais même plus à parler. Je bégayais carrément. Et l'IA a tout fait de A à Z. Oh non, c'est pas vrai. Mais elle avait mis la barre très très haute pour, je crois, la deuxième peut-être. Ouais, la deuxième, ouais. Recevoir 4 personnes différentes, 3 personnalités de 3 groupes assez reconnus localement. Ouais, c'était normal. Voilà qui voilà, inspecteur l'IA. Tatala, non, c'était pas le but d'inspecter, c'était le but d'être en soutien plutôt. Ouais. Ouais. Voilà, c'est ça, l'inspecteur gadget, c'est pas qu'enquêter, c'est aussi soutenir. Si tout était possible, Marjo, qui aimerais-tu interviewer? Ouais, je pense, si tout était possible, du coup, je dirais quelqu'un du style Nelson Mandela. Si tout était possible, genre vraiment quelqu'un qui a marqué l'histoire, quoi. Et dans le bon sens. Et vous, Drex, Lia et Chris? Non, j'ai failli faire une blague un peu trop limite. Moi, je m'auto-censure maintenant. Même si Solar, bien sûr. Et toi, Chris? Moi, je suis un peu déçu parce que je pensais que t'allais dire si tout était possible, je l'interviewerais Chris. Ah, mais non. Non, je suis un peu déçu. Bah, il y aurait pas grand chose à dire. Hein. Yes, super. Bon, bah, je pense que je vais y aller. Sinon, si tout est. Bah, en fait, j'ai l'impression que tous mes invités que je voulais interviewer le plus, que je l'ai fait. Donc maintenant, j'ai pas vraiment de nom, mais je sais pas si tout était possible. J'en sais rien. Bon, Philippe Lachaud. En vrai de vrai, si j'avais une émission qui s'appelait Chacun sa voix, moi, Christophe Lemoine, hein, ce serait un truc de ouf. Aussi, ouais. La voix de Cartman, la voix de tellement de trucs, tellement de films, tellement de séries, le gars. Et qui te fera un jingle du tonnerre. Ouais. Avec les mots que tu adores, très poétiques et tout. Ouais, de fou. Alors Marjo, est-ce que tu penses garder un pied chez nous, par exemple de devenir bénévole, de faire des chroniques à distance et de nous les envoyer en WeTransfer comme le font pas mal de bénévoles? Alors je pense pas, honnêtement je pense pas devenir bénévole et envoyer des émissions par WeTransfer, mais je pense que je viendrai squatter des fois, si ça vous dérange pas. Mais genre, je viendrai boire le café ou des trucs comme ça. Parce ils disent tout ça. Mais hein, tu bois pas de café. Ouais, tout ça. Oui, mais déjà, tu bois pas de café. Et ils reviennent pas? Non, ils reviennent une fois voilà. Et puis après. Ils disent, ouais, je reviendrai. On les a plus revus. Bah, moi, j'avais dit, je reviendrai, je suis jamais revenu. C'est ça. Ah, pendant quelques mois. Non, mais il fallait que je prenne mon envol. Ouais, c'est ça. Que tu t'échappes du nid. Alors, mis à part qu'on va horriblement te manquer, hein, surtout moi et mon humour incroyable, sérieusement, qu'est-ce qui va le plus te manquer une fois que tu seras parti, Marjo? Bah, en soi, c'est des habitudes Drex. Trop grandes, quoi. Non, alors ça, non, par contre. Chris? Bah, non. Encore moins. Non, mais tu sais, c'est des habitudes. Genre, j'avais l'habitude de me lever le matin, à venir ici, j'étais contente, quoi. Faire chauffer mon petit plat dans le micro-ondes, je kiffe. Du coup, c'est ça qui va me manquer. Voilà. Chacun son truc, hein. Il y en a, ils auraient dit les émissions. Bah, Marjo, elle, c'est faire chauffer son plat au micro-ondes. Pourquoi pas? Bah, toi, ça serait faire le café, c'est tellement une belle habitude, ça te manquerait. Puis manger les doux-waps. Ah oui. Ça fait un moment que tu t'es dissocié de cette habitude de faire le café, du coup. Moi, vu qu'il n'y a plus de café. Bah, il y en a encore, mais c'est plus non plus le doux nectar qu'on a l'habitude de boire. Ah oui, c'est goût calcaire. T'avais pas racheté une cafetière? J'avais racheté une cafetière, mais elle est morte. Puis en son âge, il a acheté une deuxième ? Bah, c'était en projet. J'ai pas encore fait. C'est notre projet. Mais qui a tué la cafetière ? Je ne sais pas. Qui a tué Pamela Rose ? Elle est morte toute seule. Non, bah, je sais pas. En fait, c'était un matin, je suis venu faire du café et j'ai vu que la cafetière était fissurée. Mm-hmm. Après, elle perdait tout son liquide. Mm-hmm. Et donc, je sais pas qui c'est qui l'a pété. Ouais, elle a perdu les os. Voilà. Donc, bah, j'ai jeté, je mettais. Je crois que c'est toi. Moi aussi, je pense que c'est Dress. Alors, c'est pas du tout moi, parce que moi, je sais me servir d'une Bodum, contrairement à la petite rousse à ma gauche. Ma bouche. Donc, voilà. Non, bah, j'en rachèterai une. Parce que c'est vrai que. Si, c'est toi. Non, c'est pas moi. Je suis sûr que c'est toi. C'est pas moi. J'assume pas, c'est toi. Si c'est moi, je l'ai pas vu. C'est les fantômes qu'il y a ici. Donc, voilà. Je m'étais attaché à cette cafetière. Tu as des relations sociales tellement nulles que tu as accroché à une cafetière. Ben tout à fait. Marjo, est-ce que tu as un projet professionnel précis ou est-ce que tu préfères explorer plusieurs pistes pour trouver ta voie ? J'avais un projet professionnel précis, mais la vie fait que... non. Du coup, je vais partir dans un autre domaine qu'est le journalisme, mais je pourrais toujours le rattraper plus tard, quoi. Voilà. Mais du coup, je vais partir vers l'immobilier. C'est un peu différent. Ah, complètement différent. Oui. Après, tu dois toujours parler à des gens que tu connais pas. Oui, et puis il y a des techniques commerciales, des techniques. T'apprendras des choses aussi. Ah, bah oui. J'espère que tu nous tiendras au courant quand même. Oh, bah oui. Bah oui. Oh, bah oui. Oh, bah oui. Il y a intérêt. Pas comme quand t'es parti au Pérou, tu vois. Ouais. Ouais, tu nous as lâché. Moi, j'ai fait une photo avec le t-shirt d'RGM au Maroc. Ah, mais elle voulait pas. Au Maroc, devant le Machu Picchu, au Maroc. C'était l'Atlas. Oui, d'accord. Mais non, mais j'avais pas le temps. Mais j'ai pensé à vous. Alors, chers amis Chris, Lia, Drex, oui. Si vous avez quelques mots à dire à Marjo, c'est le moment, c'est votre moment avant qu'on clôture cette émission. Oh, ça va être gênant. Moi, je dirais que c'était une super rencontre, que t'as vraiment assuré, t'étais pleine de créativité, pleine de bon sens, très autonome, et que j'ai beaucoup aimé que tu sois service civique ici avec nous. Eh ben, merci. Pareil. Je te l'avais déjà dit aussi en off, ça fera bizarre de se dire que tu seras bientôt plus là. Ah oui, bah oui. Ça fera bizarre que tu viennes plus à la radio. Disons qu'on sera plus en supériorité numérique, nous les femmes. Ah ça, ouais. C'est cool. Ah, c'est dommage. Donc il faut que la prochaine service civique soit une fille. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, tiens, aux jeunes qui seraient intéressés pour être service civique, pour leur donner envie d'être service civique ici à Radio Guémouzou ? Eh bah, ben, franchement, c'est une super expérience, même pour soi-même en soi, parce que tu grandis, t'évolues rapidement. Et puis même humainement, on rencontre des super invités. Et puis, on est dans une bonne équipe. Je pense qu'il y a pire quand même comme taf et comme service civique, quoi. Donc voilà. Super. Bah, cette émission est maintenant terminée. Merci à Drex, Chris et Lia pour leur participation. Yup, avec grand plaisir. Pareil. Marjo, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous, que ce soit dans cette émission ou durant ton service civique. Eh bah ouais, clairement ouais. J'ai bien aimé. Moi, je lui ai balancé tellement d'interviews, d'émissions, de trucs que je pouvais plus faire. Parce qu'elle l'a pas dit, mais elle a interviewé Guillaume Batz aussi. Ah oui, c'est vrai. Ça, je pense que ça devait être un moment fort parce que bah, du coup, ça sera plus jamais possible. Et franchement, ça va me manquer de plus avoir quelqu'un à qui je vais pouvoir déléguer des trucs un peu, tu vois, un peu niveau. Voilà. Il y aura une stagiaire bientôt, non ? Oh, oui. Non, mais c'était de très bonne volonté. Ah, merci. Je suis venue vous dire que je m'en vais. Non, c'est pas ça la chanson ? Je connais pas. Oh, bah, tu parles. Marjo, allez, troisième rêve claqué. T'es trop jeune, c'est pour ça. Marjolaine. Vous êtes trop vieux, on sait pas trop. Ouais, ouais, grâce à toi, Michel, il a un nouveau son chouchou. Marjolaine. Ah, bah, ça, c'est mignon. Lui aussi, il va me manquer. Big up à Michel. Big up à la corruption. Aussi. Ah oui, c'est une chanson, je sais plus c'est de qui. C'est de... Lavilliers. Ouais, Bernard Lavilliers. Bah, il y a aussi Pierre Perret avec Vert de colère. Hein. Je suis vert. Grâce à toi, t'as un petit enrichissement du panel musical de Michel et ça fait plaisir. Ça, on s'en souviendra longtemps. Merci Marjo. T'as eu des belles rencontres dans tes interviews, mais aussi dans l'équipe, soit nous ou même les bénévoles. Oh bah oui. Georges, il était carrément fan. Il était tellement dégoûté quand il a appris qu'elle allait partir plus tôt que j'ai cru qu'on allait le mettre sous anxiolytique. Bah, puis même Michel, c'était mon petit chouchou. Alors, t'as contacté la dame de Vosges-Matin ? À chaque fois que je le vois. Même dans les manifs, je me retrouve avec lui. Alors, n'hésite pas à venir nous voir. Les portes de RGM te seront toujours ouvertes. Et je dis ça pas qu'en mon nom, en nom de toute l'équipe de RGM, avec Lia qui me regarde par-dessus l'ordinateur. Alors, je te souhaite de la réussite et plein d'autres choses encore. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, bah, vous aussi, de la réussite. C'est en bonne voie. Ça m'émeut. Tu es un très mauvais acteur. Ouais, merde, pourtant je fais du tas depuis plusieurs années. T'aurais dû mettre des gouttes d'eau, tu sais, avec la cruche comme ça, après des yeux. Ouais. C'est pas grave. J'y penserai pour la prochaine fois. Merci à tous d'avoir été avec nous. Auditeurs et auditrices, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, Eustache, Jean-Eux, des babouches vous envoient des bisous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde. On finira pas sur mon générique, mais sur une musique que Marjo a choisie, histoire qu'elle nous quitte en beauté. Merci encore d'être venue, Marjo. Et bah, merci à toi, Laura. À tout de suite, et puis bah, au revoir. Ah ouais, ok. Bisous. Ciao. Bisous, bisous.